Moi jamais lâché pour une folle. Moi jamais lâché pour une somme. Et m'ont toujours souhaité le sommet. Pour tous ceux qui m'ont épaulé. Moi jamais lâché pour une folle. Moi jamais lâché pour une somme. Et m'ont toujours souhaité le sommet.